الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها المؤمنون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى قال الله جل وعلا في كتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فهذه هي سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا الزائلة أنها دار ابتلاء وامتحان واختبار فالكل معرض للابتلاء والاختبار الكبير والصغير الذكر والأنثى الصالح والطالح البر والفاجر قال الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فمعالي الأمور والمنازل الرفيعة لا تنال إلا بعد الصبر والثبات عند الفتنة قال الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فالابتلاء لا بد منه لكن المسألة هي كيف تقابل الابتلاء فلا بد من الصبر والاحتساب والتوكل على الله سبحانه وتعالى يا عباد الله اصبروا قال جل وعلا واصبروا إن الله مع الصابرين ومما يعيننا على الصبر عند البلاء دراسة سيرة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فحياته كلها درس في الصبر على الابتلاء عند الابتلاء في الثبات عند الفتنة أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيرا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا فنزلت بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فهكذا الداعي إلى الحق وهكذا الداعي إلى توحيد الله رب العالمين وهكذا صاحب الشجاعة يبتلى بالقريب والبعيد وفيه أن العاقبة للتقوى لأهل الحق عاجلا أو آجلا والنبي صلى الله عليه وسلم كيف صبر، كيف ثبته الله سبحانه وتعالى في هذه الفتنة بأدبه الرفيع، بالحلم والرفق، بالصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يصبر على تعليم الناس الإسلام وما هي دعوته. ألا ترون شدة معاندة القوم وعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أو أشد، يعرفونه تماما ويعرفون أباءه عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن نقتدي في ذلك بنبينا الكريم، فلنا فيه أسوة حسنة، كما قال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المسلم، هذا أفضل البشر، أوذي في الله فقابل الأذية بالصبر والاحتساب بما عند الله سبحانه وتعالى. قصة أخرى أخرجها البخاري ومسلم أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجي بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعه على ظهري بين كتفيه وأنا أنظر، أي عبد الله بن مسعود، وأنا أنظر لا أغني شيئا ولو كان لي منعه. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فطرحت عن ظهره، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاثا، أي ثلاث مرات، فهلكوا يوم بدر. هكذا أوذي نبينا صلى الله عليه وسلم، أوذي وهو يصلي، أوذي وما ظلم أحدا، أوذي وهو ساجد لله رب العالمين في مسجد الحرام. ابتلاء آخر حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، قابله بالصبر والثبات. سأل عروة ابن الزبير عائشة رضي الله عنها أو عبد الله بن عمرو، فقال له: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أي لأجل كونه مسلما موحدا، لأجله ما يريد أن يسجد إلا لله، ولا يخضع إلا لأمره، ولا يخاف إلا منه، ولا يحب إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه؟ هذا هو التوحيد. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ رواه البخاري. هكذا أوذي نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن الطرق المستعملة في أذيته من قريش الألقاب السيئة، التشويه والتنفير من أفضل البشر باستعمال ألقاب سيئة، حاولوا التشويه والتلبيس على الجهال والسفهاء ومن ماله ومن ليس لديه معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه. قالوا محمد مجنون، وقالوا ساحر، وقالوا كذاب، وقالوا شاعر، إلى غير ذلك من هذه الكلمات الخبيثة. كل ذلك يا عباد الله تنفيرا عن دين الله الحق، الإسلام. الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: ويقولون إنه لمجنون، وقال هذا ساحر كذاب، كما في سورة صاد، وكذلك قالوا شاعر وكاهن، إلى غير ذلك. فكيف قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور؟ كيف قابل ذلك نبينا الذي لنا فيه أسوة بالصبر والاحتساب وبصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى؟ فلنفعل مثله تأسيا به عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى nous dit dans son livre, selon la traduction Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent que nous allons les laisser dire « nous croyons sans les éprouver » Nous avons certes éprouvé ceux qui étaient avant vous, ainsi nous saurons qui sont les véridiques des menteurs. De ce verset et bien d'autres, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que dans ce bas monde, nous serons éprouvés. Toute personne sera éprouvée, qu'il soit un homme ou une femme, une personne âgée ou jeune, que la personne soit pieuse ou perverse, que la personne soit croyante ou non, l'ensemble des gens sont voués dans ce bas monde à l'épreuve et au test. Toute personne sera éprouvée. Et pour atteindre les hauts degrés, avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde et le paradis dans l'au-delà, il faut savoir comment se comporter devant cette épreuve, quelle qu'elle soit. Tu dois te montrer patient et endurant. En prenant pour exemple la mère des créatures, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, toujours selon la traduction, pensez-vous que vous allez entrer au paradis sans avoir été éprouvé par ceux qui ont touché des générations avant vous? Ils ont été touchés par des nuisances, par des difficultés. Donc voici l'habitude des peuples et des personnes pieuses avant nous, et l'épreuve, la difficulté. Mais la question n'est pas dans l'épreuve. Tu as compris de par ces versets que toute personne sera éprouvée dans ce bas monde. La grande question est: comment te comporteras-tu devant ce test et devant cette épreuve? Vas-tu te montrer endurant à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou bien vas-tu te révolter devant les décrets d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme ceux qui n'ont pas su qu'Allah était sage et savant dans tout ce qu'il décrétait tabaraka wa ta'ala? Donc toute personne est sujette à l'épreuve. Et parmi les choses qui nous aident à nous montrer endurants, patients et à espérer la récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala pour cela, le fait d'étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de voir et d'apprendre comment s'est comporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant les nombreuses nuisances qu'il a subies. Vous savez tous que depuis sa plus tendre enfance, il a été éprouvé par toutes sortes de choses. Je ne parle pas de ces épreuves-là, comme le fait d'avoir connu le plus haut degré, Mada, dans le fait d'être un orphelin, car il est né, son père était décédé, puis il a perdu sa mère, puis il a perdu son grand-père, puis son oncle, puis son épouse, puis plusieurs de ses enfants. Il a goûté à la pauvreté, à la difficulté, et cela toute sa vie. Mais ici, je vous parle d'une épreuve plus particulière. Les épreuves qu'il a subies depuis le moment où il a reçu la révélation, depuis le moment où il a appelé son peuple à agréer et à accepter le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala révéla à son prophète et messager, sallallahu alayhi wa sallam, selon la traduction, et avertit tes proches parents, et avertit tes proches parents. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mont de Safa, sur la petite montagne de Safa, et a appelé ses proches, Ya Bani Fihr, Bani Adi, et il a appelé les différentes tribus de Quraysh. Toute personne sortait de chez elle, et celui qui ne pouvait pas sortir envoyait un émissaire afin de savoir ce qui se passe. C'est alors que Abu Lahab, un des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Quraysh sont arrivés. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait reconnaître sa véracité. Ils lui ont dit: nous n'avons jamais connu de toi si ce n'est la vérité dans les dires, si ce n'est la véracité dans tes propos. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: alors sachez que je suis un avertisseur pour vous avant que ne tombe un lourd châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a informés de sa mission, les a informés de sa prophétie, qu'il avait reçu la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'il était le messager d'Allah envoyé à l'ensemble des mondes. Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: est-ce pour cela que tu nous as réunis, que tu perdes toute ta vie, que tu échoues toute ta vie? Puis Allah subhanahu wa ta'ala a révélé que Abu Lahab perde et que tout ce qu'il entreprend soit voué à la perte. Allah subhanahu wa ta'ala a défendu son noble prophète et messager. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est montré indulgent, endurant et patient, la défense est venue des cieux. La défense est venue à travers la révélation. Allah tabaraka wa ta'ala a défendu son messager et son prophète, et a humilié Abu Lahab et toute personne l'ayant suivi. Et cela n'est pas restreint au temps de la prophétie, mais jusqu'à nos jours, toute personne qui tente de rabaisser ce qu'Allah a élevé, Allah tabaraka wa ta'ala le rabaisse dans ce bas monde en l'abandonnant, et dans l'au-delà. Iyadan billah. Donc ici on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été traité par les siens, par ses proches, par son oncle. Mais il s'est montré endurant à supporter cette lourde épreuve, le fait d'être démenti, d'être méprisé, car il savait que le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala était proche, et que sur ce bas monde, sans aucun doute, nous sommes dans une épreuve. Et c'est ainsi que seront éprouvées toute personne qui suivra le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour appeler les gens au bien, pour appeler les gens à la vérité. Toute personne sera éprouvée. C'est ainsi que les gens courageux et de la vérité seront éprouvés et testés dans la véracité de leurs propos. Mais la bonne fin appartient aux gens de la piété, aux gens de la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre histoire, nous montre comment nous devons nous comporter devant la difficulté et l'épreuve. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim toujours rapportent que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait auprès de la Kaaba, Abu Jahl et ses compagnons étaient assis non loin de lui. Ils ont dit, qu'est-ce qui va aller chercher le placenta de la chamelle de telle personne pour venir déposer cela sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il viendra prier? Qui est-ce qui va aller chercher le placenta de la chamelle de telle personne pour venir le déposer sur le prophète, sur le dos de Mohammed lorsqu'il se prosternera? Alors le pire d'entre eux a accepté cette mauvaise tâche. Il est parti chercher ce placenta. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné, il a déposé cela sur son dos, entre ses épaules, alors qu'il était en train d'adorer Allah Azza wa Jal, ne nuisant à personne, n'opprimant personne. Il lui a déposé le placenta de cette chamelle sur le dos, entre ses épaules, entre ses omoplates. Abdullah ibn Mas'ud s'est grandement attristé, mais il nous dit qu'il était faible et qu'il n'a rien pu faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté longuement prosterné. Et eux se sont mis à rire. Ils se sont mis à rire et se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors que Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la princesse des femmes du paradis, cette femme pieuse, cette femme courageuse, cette épouse modèle, cette mère modèle, est venue et a retiré le placenta de cette chamelle du dos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de son père. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est relevé et a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala contre ces gens qui l'ont opprimé en disant « Oh Allah, charge-toi de Quraysh ». Et il a répété cela à trois reprises. Puis il a invoqué contre ces six ou sept personnes en citant leur nom. En citant leur nom, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit « J'ai vu ces sept personnes périr à la bataille de Badr. J'ai vu ces sept personnes périr à la bataille de Badr. » Comment s'est comporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment est-ce qu'il a géré cette lourde épreuve en se dirigeant vers Allah tabaraka wa ta'ala, en ne se plaignant qu'à Allah azza wa jal, celui qui détient le toupet de ses serviteurs, celui qui lorsqu'il veut une chose dit soit et elle est? C'est ainsi que se comportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'est pas montré injuste, même envers ceux qui l'ont été envers lui. Il n'a pas manifesté, il n'a pas brûlé les maisons des habitants de Quraysh, il n'a pas tué d'innocents, il n'a pas tué de femmes ni d'enfants, ni même ceux qui lui ont fait cela. Mais il s'est dirigé vers Allah Azza wa Jal et il ne s'est plaint qu'à lui, avec grande endurance, patience et douceur, alayhi salatu wassalam. Urwa a demandé à Abdullah ibn Amr ibn al-As, quelle est la pire chose que tu as vue qui a été faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a répondu alors qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était près de la Kaaba dans le Hijr. C'est alors que Uqba ibn Abi Mu'ayt était venu et l'a enlacé de son vêtement, l'a étranglé avec son vêtement très durement. Il a tenté d'étouffer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est de le tuer, de l'assassiner. Alors Abu Bakr est venu en courant et a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit, allez-vous assassiner un homme juste parce qu'il a dit mon Seigneur est Allah? Allez-vous assassiner un homme juste parce qu'il dit mon Seigneur est Allah? Juste parce qu'il veut unifier Allah d'un culte sincère, ne se prosterner que pour Allah, n'aimer qu'Allah, ne craindre qu'Allah, ne place sa confiance qu'en Allah, ne sacrifier que pour Allah subhanahu wa ta'ala et vouer l'ensemble des adorations qu'à son créateur, son seigneur et son maître? Est-ce pour cela que vous allez assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il appelle à adorer Allah et celui d'un culte sincère? Est-ce qu'il y a dans cela une injustice qui mérite cela, c'est ainsi qu'est venu Abu Bakr, As-Siddiq, défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et encore une fois ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est montré patient et endurant et s'est dirigé vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi les nombreuses nuisances qu'a subi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toutes sortes de surnoms, de sobriquets, afin d'éloigner les gens de son message. Et c'est l'habitude des injustes. C'est le fait de dénaturer la vérité pour éloigner le peuple de cette vérité. Pour éloigner le peuple de cette vérité. Mais si Allah veut du bien et l'a guidé pour des gens, personne ne pourra obstruer le chemin qui mène à cette lumière. Personne ne pourra obstruer le chemin qui mène à la vérité qu'Allah Azza wa Jal a révélée. Il l'appelait Majnoun, le possédé, le fou, Sahir, le sorcier, Kazzab, le grand menteur, Sha'ir, le poète. Et c'est ainsi qu'il appelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait aussi, il a insulté nos parents. Il ne respecte pas les personnes âgées. Il ne respecte pas les ancêtres. Tout cela avait pour but d'obstruire le chemin qui mène à la vérité avec laquelle a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela, cette lumière nous est parvenue. Malgré cela, cette lumière nous est parvenue des siècles et des siècles après, par la grâce d'Allah Azza wa Jal et sa miséricorde. Et les gens ne cessent d'embrasser l'islam. Et les gens ne cessent de se renseigner sur l'islam. Et nous nous efforçons, nous, d'exposer aux gens ce qu'est l'islam. Pas l'islam qu'on essaye de présenter aux gens comme étant le terrorisme, comme étant une religion sanguinaire. Non, l'islam avec lequel nous est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu pour questionner au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont dit qu'il est ensorcelé. Alors cet homme savait faire un ruqya. Il est parti le voir et lui a dit, il m'est parvenu que tu étais malade. Et moi je sais soigner de cette maladie. Alors si tu veux, je réciterai sur toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je ne suis aucunement malade. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Et il lui a récité khutbatul hajj. Cet homme lui a dit, a'idhu alayhi, répète-moi cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répété. Et il lui a dit à nouveau, répète-moi cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répété. Puis il lui a dit, j'ai entendu les plus grands devins, les sorciers, les poètes. Et ce que tu viens de réciter n'est ni de la poésie, ni de la sorcellerie. Donne-moi ta main afin que je te prête allégeance. Et il est entré dans l'islam. Et il est entré dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu me prêtes allégeance pour ta personne seulement ou pour tout ton peuple? Et il lui a dit, pour moi et l'ensemble de mon peuple. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ils essayent d'obstruer le chemin qui mène à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez comme Allah azza wa jal fraye un chemin vers ceux qui cherchent réellement ce qu'est l'islam. Puis il leur facilite l'accès à cet islam, puis il leur facilite le fait d'embrasser l'islam de plein gré et volontairement. Falhamdulillahi rabbil alamin. Il y a la mère d'un de nos chers frères qui est très malade, la mère de notre frère Hussein, ce n'est pas un frère de Pantin. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala wa huwa arhamur rahimin an yashfiyaha. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا رب العالمين أنت أكرم الأكرمين الشافي وأنت على كل شيء قدير. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفيها أنت الشافي اشفيها أنت الشافي واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من عليها بالشفاء اللهم من عليها بالشفاء واشف مرضانا مرضى المسلمين. وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.